une légende d'un prix. Bokambé a toujours une prix. Pour courir après le ballon, telle sa mascotte, le lion. Si tu es gardien, s'il te plaît, fais ça en nullement agressé. Si dans ta cage protégée, Bokambé met du pied. Prenez pas, mais il faut bien courir. Sinon, Chao pourrait te les ravir. Alors, Bokambé, tu mouches tout coup. Puis la passe au goal, c'est tout. La Brunner relance vers Chalier. Il remet vers Lalatovic qui progresse, balle au pied. Belle passe de Lalatovic vers Vukmevelovic. Il joue rapidement à la main sur Bokambé. Bokambé qui court avec sa queue de lionne dans le short. Il marque le contrôle. Oh, quel Bokambé de Bokambé. Il limite trois adversaires et tire la dague très fermée. C'est le cinquième but de Bokambé dans ce match face à l'OM. Magnifique Bokambé.